Book 2 74 74 74 رجاء الشيء Demander quelque chose Demander quelque chose هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Pourriez-vous me couper les cheveux? Pourriez-vous me couper les cheveux? من فضلك, ليس قصيرا جدا. Pas trop court, s'il vous plaît. Pas trop court, s'il vous plaît. من فضلك, أقصر بقليل. Un peu plus court, s'il vous plaît. Un peu plus court, s'il vous plaît. هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ Pourriez-vous me développer les photos? Pourriez-vous me développer les photos? الصور موجودة على CD. Les photos sont sur le CD. Les photos sont sur le CD. الصور موجودة في الكاميرا. Les photos sont dans l'appareil photo. Les photos sont dans l'appareil photo. هل يمكنك إصلاح الساعة؟ Pourriez-vous me réparer la montre? Pourriez-vous me réparer la montre? الزجاج تالف. Le verre est cassé. Le verre est cassé. البطارية فارغة. La pile est vide. La pile est vide. هل يمكنك كي القميص؟ Pourriez-vous me repasser la chemise? Pourriez-vous me repasser la chemise? هل يمكنك تنظيف القميص؟ Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? Pourriez-vous me nettoyer le pantalon? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ Pourriez-vous me réparer les chaussures? Pourriez-vous me réparer les chaussures? هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ Pourriez-vous me donner du feu? Pourriez-vous me donner du feu? هل معك كبريت أو ولاعة؟ Avez-vous des allumettes ou un briquet? Avez-vous des allumettes ou un briquet? هل عندك منفضة سجائر؟ Avez-vous un cendrier? Avez-vous un cendrier? أتدخن السيجار؟ Fumez-vous des cigares? Fumez-vous des cigares? أتدخن السجائر؟ Fumez-vous des cigarettes? Fumez-vous des cigarettes? أتدخن الغليون؟ Fumez-vous la pipe? Fumez-vous la pipe?